Les aventures de Tintin par Hergé, adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Le Lotus Bleu. Troisième épisode. Alors qu'il avait repris le bateau pour les Indes, le célèbre reporter Tintin a été kidnappé et ramené à Shanghai par les compagnons de M. Wang. Celui-ci, un vénérable chinois membre de la société secrète des Fils du Dragon, a révélé à Tintin que Mitsui Hirato était à la fois un espion japonais et un dangereux trafiquant d'opium. Tintin a accepté de l'aider dans sa lutte contre cette drogue ravageuse. Mais après sa visite au Lotus Bleu, la fumerie d'opium dont Mitsui Hirato lui-même est le gérant, Tintin a été repéré et fait prisonnier. Il n'a échappé au poison qui rend fou que grâce à la vigilance et à la ruse de Zhang, l'un des serviteurs dévoués de M. Wang. Avec l'aide de son fidèle Milou, Tintin est ensuite parvenu à rentrer chez celui-ci. Il a promis à Mme Wang de trouver le remède capable de guérir la folie de leur fils Didi. Mais pour cela, il doit maintenant repartir à Shanghai. Retourner à Shanghai? Mais c'est de la folie. Oubliez-vous que votre tête est mise à prix? Je sais. Mais ne craignez rien, Monsieur Wang. Si je peux arriver à la concession internationale, je suis en sûreté. Là-bas, les Japonais ne pourront rien contre moi. Alors, vous êtes vraiment décidé? Oui. Nous devons tout faire pour sauver Didi. Mais comment allez-vous faire pour pénétrer dans la ville? Ne vous inquiétez pas pour moi. Je trouverai bien une solution. Et quelques heures plus tard, à la porte de Shanghai... Lieutenant! Oui, commandant. Un télégramme vient de m'apprendre que le nouveau général doit passer par ici d'une minute à l'autre, en tournée d'inspection. Rassemblez les soldats et veillez bien à ce que tout soit impeccable. Bien, commandant. Soyez le bienvenu à Shanghai, mon général. Qu'est-ce que je vois là? Sur vos joues? Oui, mon général. Je n'ai pas eu le temps de me raser ce matin. Quatre. Vous voulez dire quatre jours d'arrêt? Bien, mon général. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça? Ben, c'est un papier, mon général. Il a dû s'envoler. Quatre. Encore quatre jours d'arrêt, mais... Mon général... Ce n'est qu'un papier qui... Huit! Huit jours... Je vous... Bien, mon général. Au revoir, mon général. Bonne continuation. Eh bien, il est charmant, notre nouveau général. Mon commandant? Oui? Il y a là un petit homme en caleçon qui veut absolument vous voir. Il prétend que c'est lui, le général. Amenez-le-moi. Il va trouver à qui parler. Je suis le général Hananoshi. C'est impossible. Le général vient de partir. Mais puisque je vous dis que c'est moi, bon sang, bonsaï. J'ai été attaqué sur la route par un petit voyou qui m'a dépouillé de mon uniforme. Chut, Milou. Encore un peu de patience. Ça y est, nous voici hors de vue. Je vais enfin pouvoir te rendre ta liberté. Mais d'abord, débarrassons-nous de cette casquette et de cet uniforme. Ouf ! Mon cher Milou, tu as été parfait dans le rôle de ventre postiche. Je commence à étouffer là-dessous. Et maintenant, à la concession internationale. Et vivement ! Et quelques rues plus loin... Tout va bien, Milou. Voici le poste frontière. Halte ! Vos papiers d'identité ! Les papiers d'identité ? Je ne les ai pas sur moi, mais je m'appelle Tintin et... Sorry, vos papiers ou vous ne rentrez pas. Mais regardez-moi, vous voyez bien que je suis européen ? Rien à faire. All right, que se passe-t-il ? Ce garçon n'a pas de papiers, sir. Laissez-moi vous expliquer. Non, inutile d'insister, ma boy. Il faut des papiers en règle pour pénétrer dans la concession. Que faire ? Sapristi, une patrouille japonaise. Il faut absolument que je passe, sinon... Oh, regardez là-haut ! Hein ? Vite, Milou, c'est le moment ! Hey, stop ! Stop, right now ! Je sais pas à qui appartient ce vélo, mais on peut dire qu'il tombe à pic. Vite, suivez-le ! Ok, sir ! Quels sont périlleux. Mais où ce camion va-t-il m'emmener maintenant ? Tintin ! Attends-moi ! Courage, Milou ! Dès que le camion ralentira, je sauterai. Oh ! Et voilà. Vite, Milou. Réfugions-nous dans ce cinéma. Ils ne viendront pas nous chercher. Ça, par exemple. Tu te souviens, Milou, notre voyage en Arabie ? C'est la scène où je suis intervenu. Le film que tournait M. Rastapopoulos. La Fura Boucher. Une production Cosmospectrum. Les actualités vont bien. Paris, Lucien Honora remporte le cross international. Oh. Je suis bien content d'avoir gagné la course. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Le président de la République, Paul de Maldac, inaugure la nouvelle exposition canine. Remarquables ouvrages sur la folie, vient de rentrer à Shanghai après un long voyage d'études en Amérique. Voilà l'homme qui pourrait guérir le fils de Wong. Bien mérité, dans la belle propriété de la rue du Sage immense. Tiens, Milou, allons-y. Pardon. À la rue du Sage immense. Je vais chez le professeur Fan Seiyeng. Bien, monsieur. Pendant ce temps... Tout ce que je sais, Mr. Dawson, c'est qu'il était petit, qu'il était habillé en chinois et qu'il m'a déclaré se nommer Tintin. Tintin ? Tonnerre ! Vous êtes bien sûr qu'il a dit Tintin ? Et vous ne l'avez pas arrêté ? Triple crétin ! Bonjour, je viens voir le professeur Fan Seiyeng, s'il vous plaît. Mon l'impénible maître n'est pas encore entré. Mais il ne devrait pas tarder. Voulez-vous l'attendre? Oui, merci. J'espère que je ne vais pas devoir attendre trop longtemps. J'ai déjà les yeux qui se ferment. Avez-vous trouvé la voie? Non. Rassurez-vous, j'ai bien dit une toute petite piqûre. Bon voyage. Monsieur. Non. Monsieur. Réveillez-vous. Hein? Quoi? Ça y est, votre maître est rentré? Non, monsieur. Mon cœur est dans l'inquiétude. Mon vénérable maître m'avait dit qu'il serait rentré vers 10 heures. Et il est maintenant plus de minuit. Vous a-t-il dit où il allait? Oui. Il est allé à une réception donnée en son honneur par son ami, monsieur Liu Julin, rue de la Montagne Pourpre. Très bien. Je vais y aller. Comment? Mon très honorable ami n'est pas rentré chez lui? Oh, c'est étrange. Il nous a quittés vers 10 heures en compagnie d'un de nos invités, M. Rastapopoulos. Rastapopoulos est à Shanghai? Mm-hmm. Et où habite-t-il? Au Palace Hotel, je crois. Merci. Entrez. Bonsoir, Monsieur Rastapopoulos. Tata, quelle bonne surprise! Je viens de quitter Monsieur Liu Julin qui m'a dit vous avoir vu partir de chez lui vers 10 heures en compagnie du professeur Fancy Yang. Est-ce exact? C'est exact, oui. J'ai reconduit le professeur en voiture et je l'ai quitté au coin de la rue du Sage Immense où se trouve sa propriété. Mm. Pourquoi cette question? Le professeur Fancy Yang n'est pas encore rentré chez lui. Pas rentré chez lui? Mais il n'y a pas 100 mètres de l'endroit où je l'ai déposé jusqu'à sa porte. Tout cela est bien étrange. Mm. Bon, je vais attendre demain. Espérons qu'il sera rentré dans la nuit. Le lendemain. Ainsi, votre maître n'est toujours pas rentré. Non, monsieur. Bon, je vais partir à sa recherche. Camilo. Refaisons en sens inverse le chemin qu'a parcouru le professeur après être descendu de l'auto de Monsieur Rastapopoulos. Tu as trouvé quelque chose, Milou? Oh! Une flaque d'huile. Une voiture a donc stationné à cet endroit. Je suis sûr qu'on l'attendait. Et s'il avait été enlevé? Quoi? Autre chose, Milou? Oh! Une carte de visite. Bravo, Milou! Walter Ergy Bones, directeur de l'American and Chinese Steel Company, New York, Shanghai, Boone numéro 53. Eh bien, nous allons tout de suite aller poser quelques questions à ce monsieur Gibbons. Il n'a pas voulu donner son nom, sir, mais il m'a dit qu'il n'en avait que pour un instant. C'est bon, qu'il entre. Monsieur, si vous voulez bien vous donner à peine d'entrer. Oui. Je suis venu ici à cause de cette carte de visite. C'est bien la vôtre, n'est-ce pas? C'est la mienne, oui. Eh bien, je l'ai trouvée rue du Sage Immense, près de la maison du professeur Fancy Yang. Il a disparu cette nuit même. Disparu? J'ignorais naturellement. Disparu? C'est bizarre. Je l'ai rencontré hier soir chez des amis. C'est là que je lui ai remis cette carte. Dans ce cas, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Adieu, monsieur Gibbons. Allô? Allô, vite! Passez-moi le chef de la police. Monsieur, entrez vite. Je viens de recevoir une lettre de mon maître vénérable. Une lettre? Regardez. Mon cher Chen, J'ai été enlevé par des brigands qui exigent une rançon de 50 000 $ pour me rendre la liberté. Surtout que la police ne les recherche pas, car s'ils étaient inquiétés, je serais aussitôt mis à mort. La rançon devra être déposée avant 15 jours au vieux temple qui se trouve à une heure de marche de Wuku, sur la rive droite du Yangtze-Kiang. C'est un grand malheur. Ne vous inquiétez pas. Je vais partir à la recherche du professeur. Allez, ouais. Pourvu qu'il ne soit pas déjà arrivé quelque chose à mon chameau. C'est lui. Arrêtez-le. Enfin. Non, voilà, chef. Nous vous amenons Tintin. Bravo, Richards. Faites-le entrer. J'aimerais bien savoir pourquoi vous m'avez arrêté. Une seconde, mon ami. Vous allez être satisfait. Allô ? Le poste de police japonais ? C'est vous, mon commandant ? Ici Dawson. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est honteux. Je suis ici en territoire international. Vous n'avez pas le droit de me livrer aux autorités japonaises. Pardon, pardon, c'est tout différent. Avez-vous des papiers qui vous autorisent à circuler dans la concession ? Non, n'est-ce pas ? J'ai donc le droit de vous en expulser. Si par la suite les Japonais vous arrêtent, je n'y suis pour rien. Deux jours après... Vénérable, j'ai pu obtenir des nouvelles de Tintin. Ah ! Enfin ! Où est-il ? Il est prisonnier des Japonais qui l'ont condamné à mort. J'ai vu les affiches en ville. À mort ? Mais pourquoi ? L'occupation a condamné à la peine de mort le dénommé Tintin, reconnu coupable d'espionnage, de tentative de meurtre sur la personne d'un sujet japonais, de violence sur la personne d'un officier supérieur, de port illégal d'uniforme et de distinction honorifique. Trois jours ont encore passé. Et voilà, demain à l'aube, Tintin aura terminé sa carrière. Car je ne vois vraiment pas comment je pourrais m'en tirer à présent. Quoi, que me veut-on encore ? Bonjour, mon cher ami. Mitsuhirato. Rassurez-vous, c'est un ami que je suis ici. Non, non, je ne plaisante pas. Je viens vous offrir la liberté. Vraiment ? Oui, mais à deux conditions. Primo, que vous vous engagiez dans nos services de contre-espionnage. Secondo, que vous m'indiquiez où se trouve le poison qui m'a été volé. C'est tout. C'est tout. J'ai là 10 000 $. Si vous acceptez mes propositions, je vous fais évader cette nuit même. Et je vous remets cette somme. Alors... Vous voulez connaître ma réponse ? Mais qu'est-ce que vous parlez ? Lâchez-moi ! Après cela, évidemment, je n'ai plus à me faire d'illusions sur le sort qui m'attend. Et cette nuit-là... Quel bruit sinistre. Oh, je pense qu'on est en train d'aiguiser la lame qui va servir à me trancher la tête demain matin. Tiens, une souris. Mais par où est-elle passée ? Entre ces dalles ? Peut-être bien qu'il y a une cave là-dessous. Et si j'essayais d'en soulever une ? Ah ! Rien à faire. Je n'ai réussi qu'à me casser les ongles. Mais qu'est-ce que... Venez vite. Attention, il y a une échelle. Et si c'était un piège ? Bon, après tout, je ne risque pas grand-chose. Cher Tintin, comme je suis heureux de vous revoir. Monsieur Wang. Chut, pas de bruit. Il faut immédiatement quitter la ville, car l'aube est proche et l'alarme sera bientôt donnée. Quitter la ville? Mais comment? Ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu. Le lendemain matin... Disparu? Le prisonnier a disparu? Bougre de monsieur! Quand on a la garde de quelqu'un, on ne le laisse pas filer comme ça! Mais le commandant... Que va-t-il dire? Le commandant... Hein? Quand on s'est évadé, honte d'imbécile! Quand on a la garde d'un prisonnier, on le surveille! Que va dire le général? Vous êtes un imbécile, commandant! Quand on a la garde d'un prisonnier pareil, on prend ses précautions! Surtout que la nouvelle ne sort pas ébruitée! Monsieur Misuyado, un télégramme pour vous. Par le tonnerre de Fujiyama! Tang Tang s'est évadé! Faites de redoubler la surveillance aux portes! Il ne faut surtout pas qu'il puisse quitter la ville! Non, mon commandant! 1 heure plus tard, à la porte de Shanghai. Attendez! Vous! Qu'y a-t-il dans ces sacs? Du riz, monsieur. C'est ce que nous allons voir. Soldats! Enfoncez-moi votre baïonnette dans chacun des sacs! Bien, mon lieutenant! C'est fait, mon lieutenant! C'est bon. Vous pouvez passer. Lieutenant, n'avez-vous pas vu passer une charrette chargée de sacs poussée par trois Chinois? Oui, je l'ai vu. Pourquoi? Tonnerre! Vous vous êtes laissé berner, lieutenant! Tintin était caché dans l'un des sacs! Mais je ne comprends pas. Tous les sacs ont été transpercés. Mon lieutenant, quoi encore? Une auto blindée a été volée, mon lieutenant. Quoi? Et voilà. Nous sommes passés comme une lettre à la poste. Sans compter que nous avons retrouvé ce brave Milou qui errait dans la rue. Pas trop tôt, hein. On m'a dit Confucius, la chance est bien souvent un hasard qui se provoque. C'était le Lotus Bleu d'Hergé. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation Catel Guillou. Musique originale Olivier Davio. Orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Michel Favori, Monsieur Wang. Thierry Ancis, l'inspecteur Richards. Bruno Raffaelli, Gibbons. Christian Blanc, Mitsui Rato. Pierre-Louis Calixte, le lieutenant. Christian Eck, le général Aranoshi. Gilles David, Rastapopoulos. Clément Hervieux-Léger, Didi. Nazim Boudjena, Dawson. Jérémy Lopez, Milou. Louis Arène, Zhang. Noam Morgenstern, Tintin. Didier Sandre, le narrateur. Et les voix de Mariana Granchi, Théo Combi-Lemaître, Hugues Duchesne et Laurent Robert. Coach en prononciation, Yilin Yang. Bruitage, Sophie Bissantz et Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Émilie Couette. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Michel Bernot, Alison Ascrisi et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.